embarcation immédiate à bord du N333, nouveau Titanic, où le pouvoir est la proie. On lève l'or, tout se passe pour le mieux. Les bagages, eux, sont défaits et les passagers sont heureux. Ils passent au bar, histoire de prendre un petit verre. Se compte des histoires qui se passent sur terre ou sur mer. Mais un mystère plane, on le sent et on le connaît. C'est le pouvoir qui plane sans flamme sous plusieurs aspects. Aspect étrange, aspect mi-démon, aspect mi-ange. Mais je sais que pour lui, y'en a qui seraient prêts à faire le saut de l'ange. Angéliquement, il s'empare de tous en épargnant. Personne ne se regarde plus amicalement. Il passe par l'argent et les esprits se transforment. L'homme à bord ne voit plus son tort, il change de forme. Attention, ils en abusent, ils perdent la raison. C'est ainsi que le N333 coule sous la pression. PHILO, accro du M-Micro, voix gros, plein de liasgo. Avec des nanas en l'eau, ça c'est le nouveau refrain favori des jeunes de cité. Veulent monter de grade, faire une nouvelle place dans cette société. Ils ont soif et voudraient boire cet élixir qu'est le pouvoir. Pouvoir peser en francs français et encore plus en dollars. Ne plus être tolard, la moitié de leur temps, voir leur espoir sur le navire des grands. Mais regarde comment le N333 a coulé. Avant de te mouiller, apprends donc à nager. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. Le navire 333 est au complet. Les passagers sont montés, prêts à se défouler. En fin de journée, des pierres on se voit. Table ronde, c'est une réunion familiale, une réunion en trois. Divers sujets d'avenir se déballer. Je vois alors des gens autour de moi titiller. Toc toc, tout le monde débloque. Mauvaise onde de choc, provoque sur provoque. Ils se foquent sur le navire des ad hoc. C'est une lutte acharnée pour être chef de matelot. Trois coups de balle m'alerte, une balle s'échoue. Allô, un membre de l'équipage est criblé, tête de balle. Murder war, c'est une guerre trop fatale. Un gueudin prend la barre, vire à bâbord droite. À tribord gauche, cheveux chants, les mères de peur. Quand le fauche pour le pouvoir, mes frères font pas des tailles. T'écrases si t'es pas de taille. Insouciant, inconscient, ils veulent se faire valoir. C'est la panique à bord du N333. Il n'y a plus frère si à moi comme autrefois. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. Dans ce navire, c'est ni les enfants ni les femmes d'abord. Ce sont les hommes à bord à qui le pouvoir colle au corps. Se prennent pour des lutteurs prêts à se donner la mort. Hardcore est la vie qui défile, tel un hors-bord. Contrôle ton sort pour être plus fort, élève le score. Mais n'abuse pas du pouvoir, tel un port. On est tous sur le même bateau, tous ces simples matelots. Certains jettent à l'eau car ils naviguent sur le mauvais flot. Go, j'essaye de garder le bon cap, le bon niveau. Maîtrise et contrôle de soi pour ne pas tomber de haut. Le hic est qu'on a pris une passerelle à sens unique. Pris panique, on se bouscule sans savoir quelle mouche nous pique. Réaction mystique, vision illogique. Mes frères préparent la guerre, batterie logique sur mon Titanic. C'est la panique. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie. C'est la panique à bord du N333 Titanic, où le pouvoir est la proie.